tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Platina. Ce pays si loin a plongé mon regard dans le tien et t'aimer une vie entière ou moins. Tu es si tendre, c'est béguin. Tu as roulé sa perle sur ma peau. Elle a frémi de ce rythme nouveau et a bougé tous mes tendres et moi. C'est toi son amour et je suis sans art. Ensemble. Latina. Déjame tu palma que te eche la aventura. Rayos y tormentas.